pas un bac à mots, c'est pas un bac à mots, c'est pas un bac à mots, c'est pas un bac à mots, c'est pas un bac à mots, c'est pas un bac à mots, c'est pas un bac à mots, c'est pas un bac à mots. Je cours dans la poussière. Le sable a pas d'âme, mais moi si, et vous aussi. Je sens les yeux derrière l'écran, comme des torches, comme des poings levés, même dans le silence. Souffle dans l'ombre, quand je tombe, le stream me relève, quand j'hésite, il crie dans ma tête. Avancez, même sans demain, frappez, même sans lumière, Riders qui est seul à l'écran, mais avec eux, il devient tempête. Pas de retour, pas d'abandon, si vous êtes là, je n'ai plus peur.